Est-ce qu'ici en prison, tu trouves que les ASBL et tout ça te préparent pour sortir ou pas? D'abord, il faut avoir connaissance que ces ASBL existent. Pour moi, ça a été vraiment par hasard parce qu'il y avait une affiche dans le couloir, par exemple ADP. Et puis, il y a quelqu'un d'ADP qui est venu faire une animation en prison. Et puis, j'ai posé des questions à cette personne et voilà. Et il a expliqué qu'il y avait d'autres associations qui existaient. Et voilà, de fil en aiguille, c'est vraiment, ça marche du bouche à oreille. Et il faut encore faire le tri soi-même et puis pas avoir peur de aller trouver l'assistant social ou l'assistant social de la prison et lui demander, voilà, service extérieur, qu'est-ce qui existe? Demander les adresses, écrire, téléphoner et demander que ces personnes se déplacent si elles veulent bien pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour nous. Et ça fonctionne parce que ce sont des personnes, les personnes qui travaillent vers les prisons sont vraiment des personnes qui prennent leur métier à cœur, qui se sentent impliquées, question de refaire par exemple une carte d'identité, des démarches administratives. Bien sûr que ça prend du temps parce qu'on n'est pas les seuls et parfois ça pose quelques problèmes, mais ce sont des personnes extrêmement motivées et Dieu merci qu'elles existent.